Alors, j'ai déjà les pas de couleur, entrée du code, morale, la comptabilité de l'entreprise. C'est pour ça que vous mettre que du noir et du blanc. J'ai demandé, mais vous n'écoutez rien. Compétitivité et le profit de l'entreprise. Vous êtes nul. Le monde est ennui, Cacos, tu nous pourris la vie. Et tu nous montres comment le ciel est gris, Cacos, tu nous pourris la vie. Avec ton système de facturation et profit. Moi j'aimerais partir aux Bahamas sans jamais t'avoir dans ma classe. Moi j'aimerais faire du son sans jamais devoir chanter ta chanson. Moi j'aimerais faire de l'image sans jamais avoir dessiné ton visage. Moi j'aimerais faire de la programmation sans devoir coder quelque chose d'aussi con. Cacox, tu nous pourris la vie. Et tu nous montres à quel point le monde est ennui. Cacox, tu nous pourris la vie. Et tu nous montres comment le ciel est gris, Cacox, tu nous pourris la vie. Avec ton système de facturation et profit, Cacox, tu nous pourris la vie. Et tu nous montres à quel point le monde est en lui, Cacox, tu nous pourris la vie. Tu nous montres comment le ciel est gris, Cacox, tu nous pourris la vie. Avec ton système de facturation et profit.